Vers l'Orient compliqué, je volais avec des idées simples, écrivait le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre. L'Orient compliqué, oui. Et qui ne l'a jamais été autant si l'on en juge par les derniers développements de la situation en Syrie, en Irak, au Liban et maintenant au Yémen. C'est une véritable tempête qui souffle sur ces pays où, comme le disait Monsieur X la semaine passée, un acteur devient incontournable, l'Iran. L'Iran, partenaire incommode mais indispensable de la lutte contre Daesh, l'État islamique. Mais l'Iran, qui continue à soutenir coûte que coûte la dictature de Bachar el-Assad en Syrie et manipule le Hezbollah au Liban. L'Iran, enfin, qui édifie patiemment ce que d'aucuns appellent l'arc chiite au Proche et au Moyen-Orient et qui, il y a peu, a provoqué une vive réaction de son meilleur ennemi, l'Arabie Saoudite. Riyad, en effet, exaspéré par la mainmise iranienne croissante dans la région, a décidé d'intervenir militairement au Yémen aux côtés d'autres États arabes sunnites et avec l'appui logistique des États-Unis pour contrer la rébellion houthiste, un mouvement chiite soutenu par Téhéran. Paradoxe de la situation, cette même Arabie Saoudite fait partie de la coalition anti-Daesh. Or, l'Iran, même s'il n'en fait pas théoriquement partie, apparaît de plus en plus comme étant le fer de lance du combat contre les barbares de l'État islamique. Les États-Unis ne sont pas moins embarrassés. L'Arabie Saoudite demeure leur allié le plus sûr dans la région. Mais en même temps, les dirigeants américains veulent apaiser leurs relations avec l'Iran. Forcément, aux grandes dames des Saoudiens qui ne se satisferont pas de l'aide que Washington leur accorde dans leur campagne yéménite. Monsieur X poursuit donc aujourd'hui son récit à la lumière du parcours d'un homme de l'ombre qui semble tirer toutes les ficelles et depuis des années, le général iranien Qassem Soleimani. Sans Pour ceux de vos auditeurs qui n'auraient pas écouté la première partie de cet entretien, je rappelle que Kassen Soleimani, un quinquagénaire discret qui tient à distance les médias, est depuis 1998 le chef d'une unité d'élite des gardiens de la Révolution, la force Al-Quds, une organisation militaire qui rassemble des milliers d'hommes et qui est le principal bras armé du pouvoir iranien. Le plus redoutable aussi. La force Al-Quds, sous la direction de Soleimani, a en effet pris une importance démesurée. Oui, tant sur le plan militaire qu'en matière de renseignement. Oui, c'est Soleimani qui orchestre l'intervention iranienne armée en Irak. C'est aussi lui qui coordonne l'aide que Téhéran apporte à Bachar el-Assad, ou qui entretient les liens très étroits qui ont été passés avec le Hezbollah libanais. Enfin, on retrouve sa signature dans un certain nombre d'attentats perpétrés essentiellement contre les intérêts occidentaux. Bref, c'est un personnage incontournable. Qui peut aussi se révéler, quand il le faut, un très habile diplomate. Y compris en discutant avec les Américains au lendemain des attentats du 11 septembre. Oui, et en dépit de la rupture violente intervenue en 1980 après la spectaculaire prise d'otage à l'ambassade états-unienne de Téhéran. Mais après les attentats de New York en 2001... Américains et Iraniens avaient désormais un ennemi commun, les talibans afghans. Ouais. Et ils ont donc ouvert des pourparlers en Suisse. Hein, et c'est déjà Soleimani qui menait le jeu. Oui, mais sans apparaître physiquement. Et ces discussions sont allées assez loin, puisque les Iraniens sont allés jusqu'à fournir à Washington des renseignements stratégiques sur les positions des talibans. Ouais, afin de guider les bombardements américains. Mais pourquoi à Téhéran une telle haine des talibans? Bah d'abord parce que c'était des sunnites installés à leur porte. Ensuite, parce que l'Iran avait des visées sur l'Afghanistan et qu'il lui fallait, pour les réaliser, se débarrasser des talibans. Mais vous le savez, cette brève entente irano-américaine prend fin au début 2002. Oui, quand publiquement George W. Bush place l'Iran dans l'axe du mal aux côtés de la Corée du Nord et de l'Irak. Hein. Et immédiatement à Genève, c'est la rupture. Une occasion manquée ? Oui, car la désastreuse et coûteuse intervention occidentale en Afghanistan aurait peut-être pu être évitée. Mais bon, ne refaisons pas l'histoire. Un mot quand même. Soleimani, en initiant ce dialogue avec les États-Unis, avait personnellement joué gros. Oui, même pris des risques. Hein. On peut le penser. La suite, c'est en 2003, l'invasion de l'Irak par la coalition conduite par les Américains. Afin de renverser Saddam Hussein. Et ça, bah, au fond, ça ne pouvait que réjouir les Iraniens qui avaient si longtemps affronté les troupes de Saddam. Hein. Oui et non, je vous explique. Effectivement, la chute de leur ennemi héréditaire les réjouissait. D'autant qu'ils pouvaient espérer que les chiites irakiens, majoritaires, seraient enfin associés au nouveau pouvoir qui régnerait à Bagdad. Mais en même temps, à Téhéran, on s'inquiétait. Mais pourquoi ? Bah parce que Washington leur semblait un peu trop enclin à user de la force pour se débarrasser de qui lui déplaisait, à Kaboul, à Bagdad. Ouais, la politique de la canonnière, comme on aurait dit à l'époque des guerres coloniales. Exactement. Et les Iraniens se demandent s'ils ne seront pas les prochains sur la liste. Mais quoi, sérieusement ? Tout à fait. C'est pourquoi, après la brève satisfaction éprouvée lors de la chute de Saddam Hussein, bah, ils ont décidé d'agir. Mais de quelle façon alors ? Tout en faisant passer de discrets messages aux Américains, afin de les assurer de leur volonté pacifique, les Iraniens ont alors choisi d'accélérer leurs efforts en matière de recherche nucléaire. Ouais, pour édifier un jour un arsenal atomique. Et se prémunir contre une éventuelle attaque américaine. Et d'un autre côté, ils ont agi en Irak même. Une opération confiée à Qassem Soleimani, qui de façon parfaitement machiavélique s'est livré un véritable double jeu. Expliquez-moi. Officieusement, il a pesé sur les négociations engagées pour la formation d'un nouveau pouvoir à Bagdad, où il voulait, naturellement, que les chiites tiennent le premier rôle. Mais pas n'importe lesquels. Ceux qu'il avait choisis. Et en même temps, il a initié une politique très agressive contre l'occupant américain en Irak. Mais comment ? La force, Al-Quds, qu'il dirigeait, a contribué à l'organisation ou à la résurrection de milices chiites très hostiles à la présence américaine. Très vite, on en a dénombré quatre. Pour d'abord évoquer la brigade Badr, le bras armé d'un parti politique d'obédience chiite. Elle a été créée en 1982 en Iran afin de combattre le régime de Saddam Hussein lors de l'interminable guerre Iran-Irak. Elle est donc, dès l'origine, inféodée à Téhéran. Oui, et c'est un appendice irakien des Pasdaran. Oui, Pasdaran, c'est les gardiens de la révolution. Et il s'agit là sans doute de la plus importante milice chiite qui s'attaque en priorité aux anciens fidèles du régime irakien, les Baasistes. Ensuite, on trouve l'armée du Mahdi, dirigée par le religieux radical Moqtada al-Sadr. Un personnage aussi imprévisible que sourcilleux, qui échappera donc parfois à la tutelle exercée par Soleimani. En tout cas, cette organisation conduira de sévères attaques contre les forces américaines. Et encore ? Les brigades du Hezbollah, qui, comme leur nom l'indique, sont étroitement liées au Hezbollah libanais. Qui est lui-même soumis à l'influence de Soleimani. Hein. Et enfin, il y a le mouvement armé de Asaïb al-Haq. Un homme qui, 10 ans plus tard, gagnera en notoriété lorsqu'il enverra des milliers de volontaires combattre en Syrie, avant de les rapatrier en juin 2014, quand Mossoul tombera entre les mains de Daesh. Ouais. Et toutes ces milices, alors, sont ouvertement hostiles à l'occupant américain. Oui, et elles mènent des attaques ponctuelles ou du sabotage anti-américain. Certaines de ces actions sont parfois très meurtrières. Je pense en particulier à ces bombes disposées sur les routes irakiennes qui explosaient au passage des convois militaires américains. Ouais. En outre, nouvelle preuve du machiavélisme de Qassem Soleimani, l'Iranien a fait feu de tout bois et même donné un coup de main aux sunnites, dès lors qu'il s'agissait de perpétrer des actions contre l'armée américaine, quitte à conclure des alliances contre nature. Et contre nature, par exemple ? Il semble que Soleimani ait encouragé le chef du renseignement du régime de Bachar al-Assad à faciliter le passage d'extrémistes sunnites par la Syrie pour aller combattre les Américains. Mieux ou pire, les Iraniens ont fermé les yeux sur la perpétration d'attentats par Al-Qaïda contre des cibles occidentales, en particulier en Arabie Saoudite. Une stratégie d'autant plus dangereuse que certains de ces extrémistes se retourneront plus tard contre les chiites. Oui, en ralliant l'État islamique. Oui. Les Américains avaient-ils conscience du fait que Téhéran, et donc Soleimani, menaient ce double jeu ? Incontestablement. Ils savaient que l'Iranien était un champion du chaud et du froid. Certains responsables états-uniens ont même très sérieusement envisagé de s'en débarrasser. C'est-à-dire de l'éliminer physiquement ? Bien sûr. Et Soleimani a échappé à plusieurs opérations secrètes mises sur pied par les forces spéciales américaines. Ce qui n'a pas empêché ce diable d'homme de prendre des risques. Ainsi, on sait qu'au moins une fois, il s'est rendu au cœur du dispositif de l'administration américaine dans la fameuse zone verte de Bagdad. Mais identifié, il aurait pu être arrêté, non ? Mais les Américains n'ont peut-être pas osé se livrer à ce qui, aux yeux de Téhéran, aurait été sans doute vécu comme une provocation. Pourtant, lui et sa force, Al-Quds, étaient déjà désignés comme les principaux responsables des attaques contre les troupes américaines. Ça a été particulièrement évident après l'attaque meurtrière en 2007 d'un bâtiment états-unien dans la province de Karbala, où 4 otages ont été tués par la milice Asaïb al-Haq. Autre observation, qui en dit long sur le personnage, ce jeu du chat et de la souris qu'il a mené avec les plus hautes autorités militaires américaines. C'est-à-dire ? En pleine guerre entre Israël et le Hezbollah à l'été 2006, et alors que la situation semble plutôt calme à Bagdad, Soleimani envoie un message au commandement américain. « J'espère que vous avez apprécié la tranquillité à Bagdad. J'ai été retenu à Beyrouth. » Il nargue les Américains. Ah ben, clairement. Et début 2008, il récidive en faisant parvenir un SMS au numéro 1 de l'armée états-unienne en Irak, le général David Petraeus. « Cher général Petraeus, vous devriez savoir que c'est moi, Qassem Soleimani, qui dicte la politique de la République islamique d'Iran, en Irak, au Liban, à Gaza et en Afghanistan. » C'est quand même très curieux. En effet, car ce message électronique inaugure de fréquents échanges via différents intermédiaires entre le patron de la force Al-Quds et le généralissime américain. On se menace réciproquement, mais on communique. Et n'est-ce pas le plus important ? France Inter. Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Dans le New Yorker, Dexter Filkins a publié un remarquable papier sur l'énigmatique Qassem Soleimani. Dans cet extrait, Il évoque les dommages que l'Iranien a causés aux troupes américaines. En 2004, la force Quds a commencé à inonder l'Irak de bombes meurtrières posées au bord de la route dénommée PFE, pénétrateur formé par explosion. Les PFE, qui lancent un noyau de cuivre fondu capable de pénétrer les blindages, ont semé la panique parmi les troupes américaines car ils étaient à l'origine de près de 20% des morts au combat. Il fallait des techniciens experts pour fabriquer les PFE qui étaient souvent déclenchés par des détecteurs de mouvement sophistiqués. Il n'y avait aucun doute quant à leur origine, m'a informé le général Stanley McChrystal, chef du commandement interarmé des opérations spéciales. Nous savions que toutes les fabriques de bombes étaient en Iran. Les PFE ont tué des centaines d'Américains. Est-ce que les Américains ont obtenu des preuves de l'intervention de Soleimani en Irak ? Oui. Et pour en parler, je reviens un tout petit peu en arrière sur l'attaque meurtrière perpétrée près de Kerbala en 2007. En fait, tout avait commencé en décembre 2006. Des commandos américains avaient pénétré de force dans la résidence d'un puissant homme politique chiite où ils avaient débusqué le général Shizari, le chef des opérations de la force Quds. Un Iranien, donc. Hein. Et ce Shizari a été arrêté. Mais cette interpellation a aussitôt fait du bruit à Bagdad. Mais pourquoi ? Mais parce que les Américains, en agissant ainsi, avaient dérogé à une loi non écrite. Les Iraniens étaient les amis du pouvoir chiite en place. Ah oui, alors les Américains ont dû le rendre. Et le Premier ministre Nouri al-Maliki a ordonné aussitôt sa libération. Mais à la suite de cet incident, l'ambassadeur des États-Unis a prévenu « La prochaine fois qu'ils attrapaient un agent iranien, ils le garderaient ». Cependant, un mois plus tard, le commandement américain a reçu un tuyau. Le général Mohammed Ali Jafari, le chef des Pasdaran, pourrait faire partie d'un convoi en route vers la frontière irakienne en direction du Kurdistan. Il serait accompagné de Soleimani. La belle occasion, là. Oui, mais comme les Américains ne voulaient pas provoquer d'incident de l'armée avec les Kurdes, ils se sont contentés de suivre le convoi jusqu'à la ville d'Erbil. Au Kurdistan irakien. Et là, ils ont constaté que les autos s'étaient arrêtées devant un bâtiment ordinaire, portant une petite enseigne marquée « Consulat ». Détail, l'existence de ce consulat était jusque-là inconnue. Alors qu'ont fait les Américains ? En dépit du fait que ce bâtiment et ses occupants pouvaient être réellement protégés par l'immunité diplomatique, ils ont donné l'assaut et se sont emparés de 5 Iraniens. Tous étaient munis de passeports diplomatiques. Mais, déception, ni Soleimani, ni Jafari ne se trouvaient parmi eux. Ils avaient manifestement quitté le convoi à la dernière minute. Et qu'étaient-ils devenus hein ? Oh, ils avaient sans doute trouvé refuge chez les dirigeants kurdes. Oui, un coup de chance pour Soleimani. Oui, hein, mais on ne fait pas une carrière comme la sienne sans un minimum de chance. En tout cas, l'affaire ne pouvait pas en rester là. Quelques jours plus tard, des 4x4 noirs se sont arrêtés devant le portail du centre de coordination de la province de Karbala, au sud de l'Irak. Leurs occupants, portant des treillis américains et pourvus des pièces d'identité militaire en règle, ont pu entrer. Aussitôt à l'intérieur, ils ont abattu un soldat américain et ils en ont enlevé 4 autres qu'on a retrouvés morts avant la fin de la journée. Alors c'était des représailles après l'incident d'Erbil ? Ça me paraît évident. Soleimani s'était vengé à sa façon. Oui, d'accord, mais comment a-t-on su qu'il était impliqué ? Dans les 2 mois qui ont suivi, les Américains ont tué le chef présumé de l'attaque et arrêté plusieurs participants. L'un d'entre eux, un commandant du Hezbollah formé en Iran, a fini par parler. Et il a avoué que l'opération avait été organisée par des responsables iraniens. Ouais, la force Al-Quds. Hein. Oui, et c'est ainsi que pour la première fois, les militaires américains ont montré publiquement Soleimani du doigt. Mais ont-ils tenté, eux aussi, de se venger ? Bah, ils l'auraient bien voulu, quitte à pénétrer sur le territoire iranien. Mais à Washington, on a refusé. Ouais, la peur de la surenchère. C'est certain. Alors, la suite. Elle montre que Qassem Soleimani reste le maître du jeu en Irak. En mars 2010, donc un an avant le retrait des troupes états-uniennes, on vote en Irak. Des législatives qui ne font que confirmer le chaos politique qui règne dans le pays. Soleimani prend alors l'initiative d'organiser une réunion à Qom, la ville sainte du chiisme. En Iran, par conséquent. Hein. Et c'est là, d'après les renseignements recueillis par les services américains, qu'auraient été véritablement actés les liens de subordination entre le gouvernement irakien et le pouvoir iranien. Et cela grâce à la coopération de l'influent chef chiite irakien Moqtada al-Sadr, qui aurait accepté de soutenir Maliki, candidat à sa propre succession au poste de Premier ministre. Oui. Puisque, dites-vous, hein, les Américains sont informés, pourquoi ne s'opposent-ils pas à cette orientation ? Bah, ils auraient pu faire pencher la balance du côté d'un autre homme, Ayad Alaoui, jugé plutôt laïque. Mais moins inféodé au chiisme iranien. Ouais, mais ils n'ont pas osé. Alors, d'une certaine manière, ils se sont inclinés devant la volonté de Qassem Soleimani. C'est ce qui apparaît. Soleimani, qui est donc en réalité l'artisan de la formation du nouveau gouvernement maliki. Et sa victoire, appelons-la comme ça, était essentielle pour l'Iran, pour plusieurs raisons. À détailler lesquelles ? D'abord, la mainmise sur l'Irak permet à l'Iran de desserrer quelque peu l'embargo occidental mis en place à cause de ses activités dans le nucléaire militaire. Ensuite, parce que Téhéran veut continuer à utiliser le territoire irakien pour faire passer du matériel militaire, à la fois pour le régime de Damas et ses alliés, du Hezbollah libanais. Avec le plein accord de Bagdad. Hein. Et ça aussi, ce n'est pas un mince exploit de Soleimani d'avoir obtenu du pouvoir irakien qu'il ouvre ses frontières terrestres et aériennes à ses trafics. Alors, ça donne l'impression qu'en Irak, Soleimani fait ce qu'il veut. Bah, vous n'êtes pas loin de la vérité. Et cela en dépit du peu de sympathie personnelle que son homme lige nourrit al-Maliki, éprouve personnellement pour Bachar et Assad et les ayatollahs iraniens. En même temps, et de façon un peu curieuse, la place primordiale qu'occupe cet homme de l'ombre est reconnue de deux côtés à la fois. Mais expliquez, là. Sont d'abord les siens qui lui rendent hommage. En janvier 2011, le guide suprême Khamenei élève le général Soleimani au grade de brigadier général, le plus haut grade dans la hiérarchie du corps des gardiens de la révolution. Et ce n'est peut-être pas sans arrière-pensée, car ainsi Khamenei s'assure de l'indéfectible loyauté des Pasdaran, qui sont un état dans l'état en Iran. Oui, car on ne sait jamais, hein. Et la deuxième reconnaissance, alors ? Elle est un peu paradoxale, et elle vient à la fois des États-Unis et de l'Europe. Toujours en 2011, en mai, le département américain du Trésor sanctionne pour son soutien direct au régime de Bachar al-Assad Qassem Soleimani. Puis, un mois plus tard, l'Union européenne place Qassem Soleimani et deux autres chefs iraniens sur sa liste des personnes recherchées en raison de leur implication dans la fourniture de matériel et d'assistance au régime syrien destiné à réprimer les manifestations. Ça veut dire aussi que, malgré lui, Soleimani sort de l'ombre. Et c'est sans doute pourquoi il apparaît publiquement en janvier 2012 lors d'une réunion de vétérans. Et il en profite pour confirmer son attachement aux valeurs de la République islamique et proclamer que l'Iran est présent au sud du Liban et en Irak. Ouais, un secret de polichinelle. Hein, ah oui, mais qui soudain ne l'est plus. Car en septembre de la même année, Soleimani récidive. Il admet que les membres de sa force, Al-Quds, sont bien présents au Liban, mais aussi en Syrie, alors que Téhéran avait toujours démenti avoir envoyé des forces militaires pour soutenir Bachar el-Assad. Alors, pourquoi cette nouvelle attitude-là ? Soleimani doit se sentir assez fort pour ne plus avoir à se cacher. Et puis, il y a eu les conséquences des révélations sur l'utilisation de l'arme chimique par Bachar. Même au cœur du pouvoir iranien, cela a provoqué des remous. Ouais, d'autant que les Iraniens avaient souffert dans leur chair hein, de cet emploi des gaz par Saddam Hussein. Aussi, Soleimani a dû vouloir couper court à toute polémique en prétendant qu'il ne s'agissait que d'une accusation mensongère des Américains et en réaffirmant avec force que l'Iran soutiendrait la Syrie jusqu'au bout. Et pourtant, deux ans plus tard, en 2014, alors que l'Iran officialise sa présence militaire en Irak pour contrer l'État islamique, on va observer une nouvelle tentative de rapprochement avec les États-Unis. Inter. Patrick Pénaud. Rendez-vous avec X. Sous le titre ironique « Le nouvel ami iranien des États-Unis », Armin Arefi consacre dans Le Point, en août 2014, un long article à Qassem Soleimani. J'en extrais ce passage où il est question de la Syrie. « La révolution syrienne de 2011 sonne comme une bénédiction divine. Désormais, général-major, Qassem Soleimani devient l'ingénieur de la survie de Bachar el-Assad. Avec cette analyse, un changement révolutionnaire en Syrie aurait déconnecté Téhéran de Beyrouth. Le général de l'ombre se rend à Damas sur le champ. « Nous soutiendrons la Syrie jusqu'au bout », jure-t-il. Du haut de sa tour d'ivoire, un centre de commandement fortifié non identifié au cœur de Damas, il concocte un plan machiavélique pour sauver le soldat Assad. L'arrivée en Syrie de centaines d'agents de la force Al-Quds, un prêt de 7 milliards de dollars ainsi que des tonnes d'armement. Il donne l'ordre aux combattants du Hezbollah, mais également à des milices chiites en Irak, d'entrer en guerre pour prêter main forte au président syrien. Avant de voir plus précisément quelle forme a pris ce rapprochement irano-américain, je dois vous dire que dans les années qui ont précédé, les efforts de Soleimani ont surtout porté sur l'assistance au Hezbollah libanais, en particulier en 2006. Oui, quand un véritable conflit a opposé le Hezbollah à l'armée israélienne. Oui, mais auparavant, en 2005, il y a eu l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri. Oui, Hariri qui s'efforçait de faire en sorte que son pays échappe à la sphère d'influence irano-syrienne. Qui permettait de penser que le Hezbollah se trouvait derrière son assassinat. Ouais, d'ailleurs, le tribunal spécial des Nations Unies a accusé nommément quatre hauts responsables du Hezbollah. C'est exact. Au cours de leur enquête, les procureurs ont procédé à la localisation des communications téléphoniques passées par les assassins présumés sur des portables jetables. Et ça leur a permis d'affirmer qu'ils détenaient des preuves convaincantes sur l'implication du gouvernement d'Assad dans la disparition d'Hariri, mais aussi des Iraniens. Car au moins une douzaine d'appels ont été passés vers l'Iran, avant et après l'assassinat, d'où leur conviction que Soleimani était sans aucun doute au centre de toute cette affaire. Ouais, mais il n'y a pas de preuves réelles. Non, simplement une intime conviction. Alors revenons à ce rapprochement irano-américain que je vous annonçais. Le déclic, si j'ose dire, c'est en janvier 2014, la prise de la ville irakienne de Fallujah par l'État islamique, qu'on va bientôt appeler par son acronyme arabe, Daesh. Ouais, c'est plus simple. Washington prend alors conscience de son extrême dangerosité. Car à la fois en Irak et en Syrie, Daesh progresse à une vitesse fulgurante. Et s'il fallait une échelle comparative, il apparaît soudain aux Américains que Bachar el-Assad est peut-être moins menaçant que ses égorgeurs. Bachar, l'allié de Téhéran. Oui, autre motif de rapprochement. En Irak, Américains et Iraniens soutiennent le gouvernement de Nouri al-Maliki. Enfin, il y a l'interminable négociation sur le nucléaire iranien. Et Obama veut aboutir au plus vite. On voit donc que les intérêts communs se multiplient. Et certains à Washington commencent même à se dire que l'Iran, acteur de plus en plus indispensable au Moyen-Orient, pourrait jouer un rôle positif. Est-ce qu'à Téhéran, on fait une analyse parallèle ? Bon, en tout cas, il faut noter qu'à la même époque, un ancien conseiller du Conseil suprême iranien de la sécurité nationale affirme, de manière sibylline, qu'il existe de plus en plus de terrains communs avec les Américains. Suit en juin 2014 une lettre ouverte publiée par plusieurs dignitaires religieux de Qom qui dénoncent les atteintes au mausolée des imams en Irak. Des dégradations perpétrées par Daesh. Et cette fois, c'est un haut responsable iranien qui émet l'hypothèse d'une coopération avec les Américains afin de lutter ensemble contre Daesh. Ouais. Car à Téhéran, on est de plus en plus inquiet. Oui. Le 15 du même mois, l'ayatollah irakien Ali Sistani, reclus à Najaf dans sa maison proche du mausolée de l'imam Ali, sort du silence qu'il observait jusqu'alors. Il appelle ses compatriotes à s'enrôler pour défendre le pays, le peuple et les lieux saints contre l'offensive djihadiste. C'est d'autant plus intéressant que Sistani, considéré comme un dieu vivant par les chiites, a toujours été opposé à l'ingérence du religieux dans le politique, telle qu'elle est prônée par la République islamique iranienne. Changement de cap. Oui, et les signes se multiplient. Un Pasdaran tué sur un champ de bataille en Irak est enterré en grande pompe à Téhéran, en présence d'imminentes personnalités. Et c'est une première. Car l'Iran a toujours démenti son implication militaire en Irak. Mais Téhéran ne se cache plus. Et annonce même l'envoi de 2 brigades de Pasdaran pour en principe protéger les villes saintes chiites d'Irak. Mmh. Un prétexte ? Bien sûr. Et soudain, notre Soleimani sort enfin de l'ombre. Sur des photos diffusées par les réseaux sociaux, on le voit en tenue de combat, entouré de jeunes combattants chiites irakiens et iraniens, prêts à partir à l'assaut de Daesh. Mmh. Soleimani, donc, ouvertement en première ligne. Pourtant, on aurait pu penser que la chute du premier ministre al-Maliki, en août 2014, aurait pu lui être néfaste. Oui, car Mavéoudi, c'est Soleimani qui a puissamment poussé à le mettre en selle. Mais al-Maliki doit être mis hors jeu. Essentiellement parce que sa politique discriminatoire à l'égard des sunnites est jugée contre-productive, à la fois par Téhéran et Washington. Encore un point d'accord. En effet, mais Soleimani n'est pas atteint par cette disgrâce. Bien au contraire, la presse iranienne célèbre ses exploits. En septembre, il aurait, avec seulement 70 hommes, repoussé l'avancée de Daesh à Erbil. Désormais, c'est clair, Téhéran est franchement engagé en Irak et c'est la force Al-Quds, dirigée par Soleimani, qui est en première ligne dans le combat contre Daesh. Oui, alors c'est une sorte d'avant-garde de l'armée irakienne. Et même plus. À la suite de la fatwa de l'ayatollah Sistani, qui est la plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, des dizaines de milliers de volontaires ont répondu à cet appel. Mais ils ont été rapidement encadrés par les milices confessionnelles réactivées depuis 2003 par Soleimani en personne, comme je vous l'ai raconté. Donc d'une certaine façon, alors c'est Soleimani qui les commande, mais les combattants kurdes sont aussi de la partie. Bien entendu. Et bien que leur adversaire soit le même, Daesh, parfois, ça ne se passe pas trop bien avec les milices chiites dépendants de l'Iran. Et pourquoi ? Parce que les Kurdes, non sans raison, se méfient de l'impérialisme iranien. Et ça, ça tient aussi à l'histoire. L'Iran, héritier de la Perse, s'est tenté même en territoire kurde d'élargir sa zone d'influence, quitte à raviver les rivalités internes entre Kurdes. Mais passons. L'événement récent, le plus important, a sans doute été la bataille de Tikrit, qui a commencé en mars dernier. La ville natale de Saddam Hussein est passée aux mains de Daesh en juin 2014. Et dans ce bastion de l'insurrection sunnite, certaines tribus ont participé à un massacre perpétré par les djihadistes, au cours duquel 1700 soldats chiites ont été tués. Ouais. Cette bataille de Tikrit est donc doublement emblématique. Oui, à cause de ce massacre et du fait que le clan de Saddam Hussein en est originaire. Ouais, Saddam Hussein haï par les Iraniens depuis la première guerre du Golfe. Hein. Eh bien, il faut noter que ce sont essentiellement les milices chiites qui ont été engagées à Tikrit. Ouais. Toutes ces milices mises sur pied ou ressuscitées par Soleimani. Et qui n'y sont pas moins d'une soixantaine. Ce sont par conséquent ces milices qui ont accueilli en leur sein les volontaires recrutés à la suite de l'appel de l'ayatollah Sistani, regroupés en unités de mobilisation populaire. Elles ont donc combattu aux côtés d'unités de l'armée et de la police fédérale, de quelques milices sunnites et même des groupes d'autodéfense chrétiens. Mais l'important, c'est que tout ce beau monde a été dans les faits dirigé par Qassem Soleimani et ses propres troupes. Ouais, sous commandement iranien, donc. Mais bien sûr, pas officiellement. Détail intéressant à considérer en regard du rapprochement irano-américain. L'un des principaux artisans de la mobilisation des volontaires est un certain Abu Mahdi al-Mohandes, dit l'ingénieur. Or, c'est l'homme qui a dirigé la résistance chiite contre l'occupation états-unienne de l'Irak. Recherché en Occident pour sa participation à des attentats meurtriers au Koweït contre l'ambassade de France, il n'est revenu d'Iran qu'en 2012. L'on peut penser qu'il est aujourd'hui le bras droit de Qassem Soleimani. Oui, en acceptant, bon gré mal gré, la présence de tels hommes dans la lutte anti-Daesh, les Américains doivent donc manger leur chapeau. Hein. On peut le penser. D'autant que de leur côté, les milices chiites ne sont nullement décidées à faire allégeance à l'allié américain. Ouais, un allié de circonstance. Et dont on continue à se défier. Oui, mais ça doit être la même chose du côté américain. Naturellement. Car si on combat ensemble Daesh, on continue à se regarder du coin de l'œil. Dans cette affaire, Washington nourrit deux craintes. Les Américains ont d'abord très peur que les chiites, lors de leur conquête territoriale, ne se livrent à des excès. Oui, des massacres. Oui, et ça discréditerait la coalition anti-Daesh. Et ensuite, c'est l'avenir qui les inquiète. Mais la peur que l'Iran ne s'impose de plus en plus. Et ne fasse de l'Irak une sorte de colonie. Oui, certainement. À l'exception du Kurdistan, qui marche sur la voie d'une grande autonomie, et peut-être même de l'indépendance. Mais au-delà de l'Irak, c'est l'inévitable suprématie de l'Iran sur toute la région, après l'éventuelle victoire contre l'État islamique qui affole Washington. Et pas simplement Washington. Ouais, mais l'Arabie saoudite aussi s'inquiète. Et avec elle, les autres pays sunnites. Ce n'est donc pas étonnant que ces États regroupés au sein de la Ligue arabe aient récemment décidé d'édifier une véritable digue anti-iranienne. Ouais, d'où aussi l'intervention armée saoudienne récente là, au Yémen. Où les houthistes d'obédience chiite, soutenus en sous-main par l'Iran, menacent de s'emparer du pouvoir. Vous voyez donc que même si on arrive à se débarrasser des égorgeurs de Daesh, le Moyen-Orient ne recouvrera pas la paix. Car plus que jamais, Arabes et Perses, et donc sunnites et chiites, auront envie d'en découdre. Suleymani a encore de nombreuses guerres qui l'attendent. Cette émission a été réalisée par Stéphane Ronxin, mise en musique par Jean-Baptiste Audibert et préparée par Rebecca Denant, qui va nous dire quoi ? Je vais vous parler du livre de Mathieu Ozano, Or noir, la grande histoire du pétrole. L'auteur retrace la fascinante épopée du pétrole du 19e siècle jusqu'à nos jours. Une épopée qui se confond avec les soubresauts de la grande histoire. Aux États-Unis, où grâce au pétrole, on a bâti l'American Way of Life, copié et envié dans le monde entier. Mais aussi au Moyen-Orient, où les frontières se sont tracées au début du XXe siècle en fonction des hydrocarbures. À lire absolument pour mieux comprendre les bouleversements actuels. Aux éditions La Découverte. Et je vous le rappelle, sur franceinter.fr, vous pourrez nous écrire. À samedi prochain. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour de Denis Chessou. Thank you.